إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 4 dans l'explication du livre Haqiqatul Wala wal Bara fil Kitab wal Sunnah, écrit par le Cheikh Dr Isam ibn Abdullah al-Sinani et relu et préfacé par le Cheikh Ma'ali al-Sheikh Dr Salih ibn Fawzan al-Fawzan hafizahullah. On est donc dans le point numéro 4 de l'introduction. Et le cheikh parle maintenant du sujet des imams de la da'wa et de la prétention du takfir. C'est-à-dire du fait que certains individus parmi les gens de bid'a et parmi les kuffars également parfois accusent l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, de même que ceux qui l'ont suivi parmi ses élèves et parmi ses successeurs par la suite, il les accuse d'avoir fait le takfir des musulmans ou d'appeler au takfir. Et donc c'est un point qui a été clarifié dans ce chapitre maintenant, ou dans cette partie de l'introduction, qui est le point numéro 4, Al-Muqaddimatu Rabi'a, A'immatu Da'wa wa Da'wa Takfir. Donc le Cheikh il dit إن دعوة الشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب وأنصاره من آل سعود دعوة قائمة على الكتاب والسنة ومنهج سلف الصالح ومنهج هذه الأمة خرجت في مجتمع يظهر فيه الاعتقادات الباطلة بالأموات والأولياء والأشجار والأحجار تدعى من دون الله فتسأل المدد والولد وتذبح لها القرابين ويطاف عليها كما يطاف بالبيت العتيق فأخرج الله هذا الإمام ليجدد الله به الملة فجهر بالحق في الوقت الذي سكت غيره من العلماء فعاداه عباد القبور ودعاة الشرك وقام فيهم علماء سوء وضلالة يؤيدون هؤلاء المحاربين الكارهين لدعوة الرسل والتوحيد بالرسائل والمؤلفات فينزعون الأدلة تعسفا لتبرير ما عليه الوثنيون من دعاء الأموات والاستغاثة بهم من دون الله ورماهم الناس عن قوس واحدة بالقول والفعل كما فعلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في مكة. Donc le cheikh il commence en disant que la da'wa du cheikh, le réformateur cheikh de l'islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, de même que ses supporters parmi les gens de la famille de Saoud, Al-Saoud, la da'wa de ce sheikh est une da'wa qui est établie sur le Coran et sur la Sunna et sur la méthodologie des salafs de cette ummah. Et elle est sortie dans une société dans laquelle on voyait apparaître toutes sortes de fausses croyances en les morts et en les saints, en les arbres et en les pierres, qui étaient invoquées en dehors d'Allah et auxquelles on demandait la subsistance et auxquels on demandait le support et auxquels on demandait même parfois des enfants. en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et auxquels on également faisait des sacrifices et on leur offrait des offrandes, et également dans une société dans laquelle les gens faisaient le tawaf autour des tombes de ces hommes morts et de ces saints, et on faisait le, des tours autour de leurs tombeaux comme les gens font le tawaf autour de la maison ancienne, c'est-à-dire à Mecca, c'est-à-dire la Kaaba qui est située à Mecca. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donc fait sortir cet imam, ce réformateur, par lequel Allah subhanahu wa ta'ala a fait réformer la religion de l'islam et l'a ramené à sa pureté originelle, hein, et à, par lequel il a donc purifié la religion de l'islam. Et cet imam, ce cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, eh bien, il a exposé la vérité de façon ouverte et apparente et claire à une époque où le reste des ulamas était silencieux, ils ne pouvaient pas parler. Et donc, les gens parmi les adorateurs des tombes et les gens qui appellent au shirk ont tous pris en animosité le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et se sont tous opposés à lui et à sa da'wah. Et des gens parmi les savants du mal, parmi les faux savants, les savants de l'égarement, les savants du mal, se sont mis à essayer de défendre l'adoration des idoles et l'adoration des saints et des tombes, et ont déclaré la guerre à la da'wa du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et à la da'wa du tawhid, en écrivant des livres et des écrits pour essayer de ramener des faux arguments, pour essayer de justifier et d'excuser ou de permettre ce que faisaient les idolâtres autour des tombes des morts, hein, ceux qui invoquent les morts et qui appellent les morts, pour essayer de d'écrire des livres et de ramener des arguments ou des preuves pour essayer de justifier ce que ces gens-là font en invoquant les morts et en adorant les morts et en les appelant au secours en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc tous les gens se sont tous mis ensemble, hein, et ont tous tiré ensemble contre la da'wa du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab par la parole et par l'action. Comme les gens à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les mouchriquins avaient fait contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et contre ses compagnons lorsqu'il était à Mecca. Il dit ensuite le cheikh, يقول الشيخ الإمام المجدد إمام هذه الدعوة مكاتبا أحد المدافعين عن الباطل فلما بينت ما صرحت به آيات التنزيل وعلمه الرسول أمته صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه العلماء من إنكار من أن من أنكر البعث أو شك فيه أو سب الشرع أو سب الأذان إذا سمعه أو فضل فرادة الطاغوت على حكم الله أو سب من زعم أن المرأة ترث أو أن الإنسان لا يؤخذ في القتل بجريرة أبيه وابنه وأنه كافر مرتد قال علماؤكم معلوم أن هذا حال البوادي لا ننكره ولكن يقولون لا إله إلا الله وهي تحميهم من الكفر ولو فعلوا كل ذلك معلوم أن هؤلاء أولى وأظهر من أي أو معلوم أن هؤلاء أولى وأظهر من يدخل في تقريركم. Donc le cheikh il explique maintenant, il dit que l'imam al-Mujaddid, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, a écrit une lettre pour répondre à une des personnes qui défendait la fausseté à son époque. Et cette lettre, on la retrouve dans le livre ou le recueil de livres qui s'intitule « Ad-Durar al-Saniya », le volume 10 à la page 114. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit « فلما بينت ما صرحت به. Donc lorsque j'ai expliqué ce qui a été explicitement clarifié dans les versets de la révélation, et dans ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à sa umma. Et lorsque j'ai expliqué ce sur quoi les savants se sont tous mis d'accord, ce sur quoi il y a un consensus entre les ulama sur le fait que celui qui nie la résurrection ou qui a un doute à son sujet ou qui insulte la charia ou qui insulte le adhan lorsqu'il l'entend ou qui préfère les règles et les lois du Tawhid sur le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala au sujet de l'héritage ou de d'autres domaines, ou bien qui insulte celui qui dit que la femme doit hériter, qu'elle a droit à l'héritage, et il insulte celui qui prétend ça ou qui dit ça. Donc le cheikh il mentionne toutes ces choses-là, il dit que celui-là il est kafir. Donc ça c'est des choses sur lesquelles tous les savants sont unanimes et sont tous d'accord, comme celui qui nie la résurrection ou qui a un doute à son sujet ou qui insulte la charia ou qui insulte le adhan lorsqu'il l'entend ou qui préfère le jugement du Tawhid au jugement d'Allah ou qui insulte celui qui dit que la femme a un héritage, a droit à l'héritage ou bien des choses de ce genre. Donc que celui-là il est un kafir et un apostat, ça c'est quelque chose sur lequel tous les savants sont d'accord et c'est clair dans le Coran et dans la Sunna. Ensuite le cheikh il dit, et vos savants, donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il répond à cette personne, il dit, vos savants ont dit, lorsque j'ai mentionné ces choses-là, nous savons, c'est une chose qui est connue, que ça c'est l'état des bédouins et on ne le nie pas. Donc ça veut dire qu'ils sont d'accord que cette situation-là, elle est présente chez les Bédouins à l'époque. Et on ne le nie pas, c'est-à-dire ils nient pas cette réalité. Walakin yaqulun, toutefois ils disent la ilaha illallah, c'est-à-dire ces Bédouins-là, ces gens-là, ils disent la ilaha illallah et ça les préserve, ils disent ça les protège du kufr. Même s'ils disent tout ce que vous avez mentionné, ou plutôt même s'ils font tout ce que vous avez mentionné, et il dit que on sait très bien, et il est su, on sait très bien que ceux-là, c'est-à-dire c'est les Bédouins à l'époque du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit on sait très bien que ces gens-là sont ceux chez qui ces choses-là sont les plus apparentes, et les choses dont vous avez mentionné dans votre déclaration sont des choses qui sont les plus apparentes chez eux. Et c'est eux qui rentrent le plus, c'est eux qui rentrent en premier et de façon plus apparente dans cette description que vous avez mentionnée, dans ces choses que vous avez clarifiées. Après il dit فَلَمَّا أَظْهَرْتُ تَصْدِيقَ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي مَا جَاءَ بِهِ سَبُّونِي غَايَةَ الْمَسَبَّةِ وَزَعَمُوا أَنِّي أُكَفِّرُ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَأَسْتَحِلُّ أَمْوَالَهُمْ وَصَرَّحُوا أنه لا يوجد في جزيرتنا رجل واحد كافر. Donc il dit, lorsque j'ai fait paraître la véracité de ce que dit le prophète et le messager sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'il a ramené, ils m'ont insulté de la plus grande insulte et ils ont prétendu que je déclare koufar les gens de l'islam et les musulmans et que je rends leurs biens licites. Et ils ont même dit ça explicitement lorsqu'ils ont dit qu'il n'y a pas dans notre péninsule un seul homme mécréant. Ils ont dit explicitement qu'il n'y a même pas un seul homme mécréant dans la péninsule arabe. Deuxièmement, le cheikh dit « Wa naqulu thaniyan, idha kanu aktharu min 20 sana yuqirruna laylan wa naharan » سرا وجهارا أن التوحيد الذي أظهره هذا الرجل هو دين الله هو دين الله ورسوله ولكن الناس لا يطيعوننا وأن الذي أنكره هو الشرك وهو صادق في إنكاره ولكن لو يسلم من التكفير والقتال لكان على الحق هذا كلامهم على رؤوس الأشهاد ثم مع هذا يعدون التوحيد ومن مال إليه العداوة ومن مال إليه العداوة التي تعرف ولو لم يكفر ويقاتل ولو لم يكفر ويقاتل هنا ولو لم يكفر ويقاتل. Donc le cheikh il termine cette citation là en disant que deuxièmement, depuis, si ces gens-là, depuis 20 ans, ils affirmaient jour et nuit, en privé et ouvertement, que le tawhid que cet homme a amené, c'est la religion d'Allah et de son messager, c'est-à-dire le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Hein, le tawhid, qu'est-ce qu'il a ramené du tawhid? Ça, c'est la religion d'Allah et de son messager. Depuis 20 ans, ils disent ça, jour et nuit. En privé et en public. Donc si c'est vrai qu'ils disent ça, ils disent que ça c'est la religion d'Allah et de son messager, mais que les gens ne veulent pas nous obéir, hein, ils disent les gens, ils cherchent des excuses, hein, ils cherchent des excuses pour justifier la raison pourquoi ils ne font rien, et pourquoi ils ne supportent pas la da'wah du cheikh, ils disent parce que les gens ne nous écoutent pas et ne nous obéissent pas. Et ils disent, on ne nie pas que ce que ce cheikh-là a nié et condamné, c'est le shirk. Et qu'il est véridique dans ce qu'il condamne. Mais s'il était exempt du takfir et du combat, il aurait été sur la vérité. C'est-à-dire, s'il n'avait pas fait le takfir et le combat, alors il aurait été sur la vérité. Et ça, c'est leur parole qu'ils disent devant tous les témoins. Puis ensuite, par la suite de ça, ils prennent en opposition le tawhid et tous ceux qui penchent vers le tawhid, et il lui déclare l'animosité que vous savez et que vous connaissez, hein, même s'il ne les a pas déclarés kuffar et même s'il ne les a pas combattus. Donc ça c'est la fin de la citation en question. C'est pour dire que les gens qui s'opposaient au cheikh à l'époque, parmi ceux-là, celui par exemple à qui il répond dans cette citation-là, c'est comme si pour dire que ces gens-là, ils admettaient que le cheikh, qu'est-ce qu'il faisait, c'était la da'wah au tawhid, et que qu'est-ce qu'il condamnait, c'était le shirk, et que qu'est-ce qui était condamné chez certains d'entre les gens qui vivaient à l'époque, justement, du fait que ils faisaient le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, et ils faisaient des actes, et ils avaient des croyances et des pratiques qui étaient des croyances et des pratiques qui viennent même annuler et opposer les fondements même de l'islam et annuler même leur foi et leur islam, hein? Donc pourquoi le critiquer et le blâmer d'avoir établi et appliqué ces principes là puisque ce sont des choses qui sont connues dans le Coran et dans la Sunna et dans le consensus des paroles des ulama. Donc comment ils peuvent par la suite après ça le critiquer et l'accuser, hein, d'avoir fait d'avoir déclaré des gens kuffar alors que c'est le Coran et la Sunna et l'ijma des ulama qui mentionnent clairement que ces gens-là sont des gens qui ont opposé les fondements de l'islam et qui sont devenus kuffar. Ensuite le cheikh il dit اذا فما هو الظن بدعوة سلفية فدية تقوم على منهاج النبوة ترى هذا الانحراف الا ان تقوم لله مثنى وثلاثة ورباع لضحض الوثنية بالحجة والبيان والبرهان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فإذا عاداها خصوم التوحيد وأنصار القباب والأضرحة فأرادوا أن يعيدوها وثنية جذعة فهل يسع أهل السنة والتوحيد فرضا واجبا إلا أن يجردوا سيوف الحق لمن حاربها وأبى أن ينزع في شركه وكفره وأبى أن ينزع عن شركه وكفره في جزيرة العرب إذا تقاعس غيرهم أو عجز وإن رماهم المخالفون أو المخذلون بتكفير المسلمين مع ما عليه هؤلاء من الكفر الأكبر المستبين وقد قامت عليهم الحجة وقد قامت عليهم حجة رب العالمين وتلك شكاة ظاهر عن كعارها لعلنا نختم هذه المقدمة بثلاث مسائل مهمات تبين هذه الحقيقة. Donc le cheikh il explique, donc après avoir fait cette citation, il dit, donc que penser donc d'une da'wa salafia, hein, qui est établie sur la méthodologie de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, des jeunes qui voient qu'est-ce qui se passe comme déviation, hein, excepté qu'ils vont se réunir deux, trois ou quatre pour opposer cette idolâtrie et ce paganisme avec les preuves et avec les arguments et la clarification, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait à l'époque à Mecca. Et lorsque les opposants du tawhid et les défenseurs des tombeaux et des dômes qui sont mis sur les tombes des saints que les gens adorent en dehors d'Allah veulent s'opposer à cette da'wa et faire revenir l'idolâtrie et le paganisme, hein, est-ce que les gens de Ahlus Sunnah et les gens du tawhid vont faire autre chose que d'établir l'obligation et de sortir leur épée pour défendre la vérité contre celui qui la combat et qui refuse de se retirer du shirk et du kufr dans lequel il est et d'éliminer le kufr et le shirk de la péninsule arabe? Et si ceux-là s'arrêtent et sont incapables de le faire, c'est-à-dire sont incapables de repousser les gens qui appellent au shirk et au kufr dans la péninsule arabe, ou bien qu'ils cessent de le faire, qu'ils ne le font pas, alors que les opposants de cette da'wa, ou ceux qui abandonnent, ceux qui sont en train de faire cette da'wa, se font accuser d'être des gens qui font le takfir des musulmans, alors que ces gens-là, c'est clair qu'ils sont sur un kufr apparent, un kufr majeur apparent, et que la preuve du Seigneur des mondes a été établie contre eux. Donc de les accuser de cette façon-là, c'est une plainte qui est clairement dénudée de preuves. Et nous allons terminer donc cette introduction par trois points ou trois questions importantes qui clarifient donc cette réalité-là dont on vient de parler. Le premier point, c'est le suivant, que أنما قام به الشيخ رحمه الله وأتباعه هو إسقاط للفرض عن الأمة. Donc le premier point, c'est que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, qu'est-ce qu'il a fait en faisant cette da'wa au tawhid? C'est qu'il a enlevé à la Ummah cette obligation qui pesait sur elle, et que les gens à l'époque n'étaient pas capables, n'avaient pas la possibilité ou la capacité d'établir, pour différentes raisons dont on va parler, inshallah. Le deuxième point qu'on va parler après celui-là, c'est le fait que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et sa da'wa est innocente du takfir et du combat à la façon des Khawarij. Et le troisième point, c'est l'innocence des imams de la da'wa de ce que certains extrémistes ont voulu lui attribuer en se basant ou en utilisant comme preuve ou argument certaines citations ou paroles générales qu'ils auraient mentionnées ou écrites. Donc on va commencer par le premier point, al-mas'alatul ula. Le cheikh il dit: inna haqqa ulama id-da'wah as-salafiyya an yushadda bi fadlihim wa la yunsab lahum khata'un fa hum ghayr khata' fahm. أي نعم. إن حق علماء الدعوة السلفية أن يشاد بفضلهم لا أن ينسب لهم خطأ فهم غيرهم، لأنهم هم من كفوا الأمة فرضا قد أهمل. وقد تقوم قول العلامة وقد تقدم قول العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله لما سئل عن علماء النجد فقال: اعلم يا أخي أن الواجب عليك موالاة جميع علماء نجد ومحبتهم والتقرب إلى الله بذلك، وأن تميز عن جميع المؤمنين لما خصهم الله به من العلم والإيمان والتعليم والدعوة والقيام بفروض كفايات نابوا فيها عن جميع المؤمنين وهي كثيرة جدا، وأن تجعل هذه الفواضل والفضائل نصب عينيك، وأن تعلم أن ذلك وأن تعلم مع ذلك أنهم كسائر الناس بشر، يجري منهم ما يجري من البشر، فاجعل ما يبلغك ما يبلغك مما ينتقد عليهم إن صح ذلك وأكثره غير صحيح اجعل ذلك مقابلا لما لهم من المحاسن والفضائل تجد ذلك مضمحلا. Donc le cheikh il dit que pour répondre donc à la question ou au premier point, c'est-à-dire que le cheikh il a établi, le cheikh ainsi que ses supporters ont établi une obligation pour la Ummah, hein? Et c'est-à-dire que, en fait, le cheikh il dit que les ulama de la da'wa salafia, ils ont un droit. Et ce droit-là, c'est qu'on fasse connaître leur mérite et qu'on défende ce mérite qu'ils ont. Et qu'on ne leur attribue pas les erreurs de compréhension, hein, qui sont ramenées par d'autres qu'eux. Hein, et qu'on ne leur attribue pas des erreurs de la compréhension des autres. Parce que s'il y a des gens qui ont des erreurs dans leur compréhension, c'est pas de la faute de ces imams. C'est pas de la faute de ces imams. C'est la faute de ceux qui ont eu ces erreurs et qui ont fait ces erreurs après eux. Mais c'est pas leur faute à eux. Pourquoi? Parce que eux, ils ont établi une obligation que la Ummah avait délaissée et négligée à l'époque. Pour différentes raisons, hein. Ils étaient excusés du fait qu'ils n'avaient pas la capacité de l'enlever. Ils n'avaient pas le pouvoir nécessaire ou la force nécessaire pour combattre ou opposer cette situation. Hein? Mais comme le cheikh, on l'a mentionné déjà, le cheikh Abdurrahman al-Sa'di, qu'est-ce qu'il a dit à propos des ulama du Najd? On lui a posé la question à ce sujet-là, il a répondu dans son livre Majmou' al-Fawa'id wa Iqtinas al-Awabid, au point numéro 111. Il a dit: sache, ô mon frère, que l'obligation pour toi, c'est d'aimer tous les ulama du Najd d'un amour particulier. C'est d'aimer tous les ulama du Najd et de te rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala par cet amour et de les aimer d'une façon particulière par rapport à tous les autres musulmans. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné justement cette particularité-là du fait qu'ils ont pris et appliqué une des obligations que le reste de la Ummah avait négligée dans les aspects de la science, de la foi, de l'enseignement, de la da'wah. Et donc ils ont établi des obligations de la religion que personne d'autre qu'eux avait établi à cette époque, hein? Et donc ils ont donc cette particularité là sur tous les autres musulmans, et ces mérites, donc les mérites qu'ils ont sont très très nombreux et très grands, et tu dois donc placer ces mérites, hein, et ces bienfaits qu'ils ont faits devant tes yeux, et tu dois savoir que ils sont comme le reste des hommes, ils peuvent avoir également des erreurs. Et donc, tout ce qu'on peut ramener comme critique contre eux, si ces critiques-là sont vraies, et la plupart de ces critiques sont fausses, eh bien, prends-les et mets-les à côté de tous les bienfaits et de toutes les qualités qu'ils ont, et tu verras que ces critiques-là vont disparaître. Et le cheikh il continue après avoir cité ça, il dit: mimma yubayyinu fadla hadha al-imam al-jalil al-sheikh al-islam wa atba'ihi alladhina qamu bid-da'wati ila at-tawhid qawlan wa 'amalan ma'tuzira bihi ulama'u al-islam 'an qiyam bil-wajib alladhi qama bihi imam ad-da'wa min iqtisar ha'ula'i al-ulama'i al-fudala 'ala ad-da'wati ila at-tawhid bil-'ilmi 'ala khawfin duna al-'amal. Donc le cheikh il dit que parmi les choses qui montrent le mérite de l'imam et du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et de ses fidèles et de ses supporters qui l'ont suivi, c'est ce qu'ils ont établi comme da'wa au tawhid en parole et en action, hein, et ce que d'autres savants de l'islam à l'époque ont été excusés de faire, hein, par rapport à l'établissement de cette obligation qui a été établie par l'imam de la da'wah, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, puisque les autres savants, hein, et les autres grands savants de l'islam se limitaient uniquement à appeler, hein, à appeler et à faire la da'wah par la science, parce qu'ils n'avaient, hein, pas la possibilité d'enseigner par l'action à l'époque et d'opposer et d'affronter les gens directement. Donc il se limitait uniquement d'enseigner le tawhid par la science avec la crainte qu'ils avaient, sans être capable de l'appliquer et sans être capable d'affronter les gens. Et ça, c'est une des particularités du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, et c'est pour ça que parfois les gens de Bid'a essaient de ramener ça comme une shubha ou comme une parole qu'ils ramènent pour mettre un doute justement sur la da'wah du Cheikh en disant: mais si, qu'est-ce que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a fait en combattant les gens qui adorent les tombes et les gens qui adorent les saints? Qu'est-ce qu'il a établi comme da'wah en Arabie Saoudite? Si c'était correct et si c'était vrai, pourquoi les autres savants n'ont pas fait ça eux aussi? Et la réponse à cette question-là, c'est que ils étaient excusés. Ces autres savants qui n'ont pas fait ce que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a fait, eh bien c'est parce qu'ils étaient excusés du fait qu'ils n'avaient pas la capacité de le faire. Et Allah subhanahu wa ta'ala, لا يكلف نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah سبحانه وتعالى ne met pas sur une âme un poids qu'il ne peut pas porter. Et donc, si quelqu'un n'a pas la capacité de faire quelque chose, eh bien, cette obligation-là, elle tombe en ce qui lui concerne. Et donc, si les ulama de l'époque étaient dans des contextes, dans des situations où les gens qui avaient le pouvoir étaient des gens qui faisaient partie des gens qui défendent le soufisme ou défendent la religion des Rafidah ou défendent l'adoration des tombes et des saints, et qu'ils craignaient pour leur vie, ils craignaient pour leur vie et ils craignaient pour leur honneur et pour leur famille, du fait que s'ils parlaient ou s'ils agissaient pour essayer d'opposer qu'est-ce qui était pratiqué comme shirk et comme bid'a, ils auraient eu à craindre pour leur vie et pour leur personne et pour leur famille. Et bien dans ce cas-là, ils étaient excusés justement. Et le cheikh, il mentionne 5 différentes citations des savants de l'époque qui mentionnent justement cette excuse-là, du fait qu'ils n'étaient pas capables de faire la même chose que ce que le cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab avait fait, malgré que c'est ce qu'il aurait voulu faire. Il mentionne premièrement les paroles du savant, du cheikh du Yémen. Son nom est Ismail al-Jura'i, rahimahullah. Il a écrit une lettre au cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab pour expliquer pour lui demander des questions au sujet de la réalité de sa da'wah. Et c'est la lettre, elle est dans le livre Ad-Durar, le recueil des lettres du Cheikh Ad-Durar al-Saniya, le volume 1 à la page 99. Le Cheikh Ismail al-Jura'i, il pose la question, il dit: An-nas iqtasamu fikum bayna qadihin wa madihin, fal-lazhi sarrani ank al-iqama ala al-shari'ati fi akhiri hadha al-zaman وفي غربة الإسلام أنك تدعو به وتقوم أركانه، فوالله الذي لا إله غيره مع ما نحن فيه عند قومنا ما نقدر على ما تقدر عليه من بيان الحق والإعلان بالدعوة. انتهى كلامه. Donc le cheikh, il dit, le cheikh Ismail al-Jura'i, dans sa lettre, quand il a écrit au cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, lui demanda d'expliquer la réalité de sa da'wah, il a dit: les gens se sont divisés à ton sujet entre les personnes qui te critiquent et les gens qui font ton éloge. Donc parmi les gens, il y en avait qui critiquent le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et d'autres qui le glorifient. Donc il dit: فَالَّذِي سَرَّنِي عَنْكَ, la chose qui m'a réjoui à ton sujet, c'est le fait que tu as établi la sharia à la fin des temps, dans le moment où la religion est devenue étrange, et que tu appelles ouvertement à la religion, et que tu établis ses fondements et il dit je jure par celui qui tient je jure par celui que rien ne mérite d'être adoré à part lui, que avec ce que nous avons comme situation dans notre peuple, nous ne pouvons pas faire ce que tu fais, de clarification de la vérité et de divulgation de la da'wa. Hein? Le fait de clarifier la vérité et de divulguer la da'wa. Donc on n'est pas capable de le faire. Hein? Donc c'est pour dire que c'était la situation de plusieurs savants. Et lui c'est un des savants du Yémen, Cheikh Ismail Al-Jura'i, qui est en train d'expliquer et d'exprimer cette réalité-là à son époque, dans cette région du monde. Et il y a d'autres savants à d'autres régions, dans d'autres régions du monde, qui ont mentionné la même chose à l'époque du Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab. Comme par exemple le Cheikh Al-Allama Siddiq Hassan Khan, rahimahullah. مبينا عجزه عن صد الوثنية عند عباد القبور. Donc il explique le Cheikh Siddiq Hassan Khan, rahimahullah, son incapacité d'opposer l'idolâtrie qui est pratiquée chez les adorateurs des tombes à son époque. Dans son livre Qatf al-Thumur, à la page 107, il dit: Oh Allah, nous nous désavouons auprès de toi de ce que ces gens-là font, c'est-à-dire les adorateurs des tombes, et nous te demandons de nous écrire parmi ceux qui interdisent leur égarement. Et en arabe, Allahumma inna nabra'u ilayka min sani'i haula wa nas'aluka an taktubana min an-nahina li dalalatihim al-munadina lahum. Et de nous appeler, de nous écrire parmi ceux qui les appellent. Wa nastaghfiruka fi at-taqsir. Et on te demande pardon pour nos manquements. وَقَدْ عَلِمْتَ عَجْزَنَا عَنِ السَّيْفِ وَالْقَنَا. Et tu as su notre incapacité de prendre l'épée et la lance. وَنَقْدِي بِهِ إِلَيْهِمْ. De juger par celui-ci auprès d'eux ou envers eux. وَعَنِ اللِّسَانِ أَنْ نُنَاصِحَهُمْ. Et notre incapacité également de leur donner la nasiha par notre langue. Ou an nunadi bihi alayhim, et de les appeler par ceci envers eux. Illa fi suhuf wal kitaba walhamdulillah ala kulli hal, excepté dans les écrits et dans les recueils et dans les écrits, et la gloire est à Allah dans toutes les situations. Donc ça c'est la fin de sa citation ici. Et il mentionne ici, on le voit clairement, qu'il est incapable de faire quoi que ce soit et qu'il ne peut rien faire pour changer la situation dans laquelle ces gens-là sont, malgré que c'est ça qui est l'obligation. Ensuite, il y a une autre parole qui est la parole du Cheikh Al-Allama Al-Alusi, un des savants de l'Irak. Il dit dans son livre Ruh al-Ma'ani, le volume 11 à la page 98: وإلى الله المشتكى من زمن أو من زمان عصفت فيه ريح الجهالة وتلاطمت أمواج الضلالة وخرقت سفينة الشريعة وخرقت سفينة الشريعة واتخذت الاستغاثة بغير الله للنجاة ذريعة وتعذر على العارفين الأمر بالمعروف وحالت دون النهي عن المنكر سنوف الحتوف. Donc il dit que le Cheikh Al-Imam Al-Alusi dans son tafsir Ruh al-Ma'ani, il dit: et c'est à Allah qu'on se plaint d'une époque où les vents de l'ignorance ont soufflé et les vagues de l'égarement ont frappé, et le bateau de la charia a été troué, et que l'appel au secours d'autre que Allah pour être sauvé a été pris comme un moyen, et que les, dans lequel un, et une époque dans laquelle les gens qui ont la connaissance sont excusés d'ordonner le bien et sont empêchés par la crainte de la mort d'interdire le mal. Hein, sont empêchés par la crainte de la mort hein, d'interdire le mal. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas interdire les gens de faire le shirk à l'époque par crainte justement du fait qu'ils n'ont pas le pouvoir, ils n'ont pas la capacité. Et c'est ça qui a fait donc la différence avec la da'wa du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. C'est parce que justement à son époque hein, il y a eu le Cheikh Mohammed al-Saoud, le chef de la ville où il était, qui a supporté la da'wa du Cheikh par l'épée. Et donc le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a été capable de changer la situation qui régnait dans la région où il était à l'époque. الشيخ يلزي ensuite ويقول العلامة الصنعاني معتذرا عن الساكتين تطهير الاعتقاد dans son livre l'imam الصنعاني il mentionne l'excuse des gens qui sont restés silencieux par rapport à qu'est-ce qui se passe comme shirk dans les pays musulmans à l'époque dans son livre تطهير الاعتقاد la purification de la croyance à la page 53. Bon, c'est selon les numéros de page, c'est selon l'édition, bien entendu. Donc, le cheikh, il dit, فَمَا كُلُّ سُكُوتٍ رِضَى فَإِنَّ هَذِهِ الْمُنْكَرَاتِ أَسَّسَهَا مَنْ بِيَدِهِ السَّيْفُ وَالسِّنَانِ وَدِمَاءُ الْعِبَادِ وَأَمْوَالِهِمْ تَحْتَ لِسَانِهِ وَقَلَمِهِ وَآرَادُهُمْ تَحْتَ قَوْلِهِ وَكَلَمِهِ فكيف يقوى فرد من الافراد على دفعه عما اراد انتهى كلامه. Donc le cheikh il mentionne l'imam al-Sanani qui est un des savants du Yémen hein, qui a fait donc à l'époque qui était à l'époque du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et qui a même défendu et supporté la da'wa du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab à cette époque-là au Yémen. Donc il a écrit des livres pour supporter la aqida du tawhid lui aussi à son époque, mais il n'a pas été capable d'établir le tawhid et la da'wa de la même manière que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, justement à cause du fait qu'il n'avait pas ce support des dirigeants qui étaient avec lui sur le tawhid, comme le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et donc il dit « Fama kullu sukutin » c'est pas tout silence qui veut dire que c'est une acceptation ou un agrément, une satisfaction. Donc ça ne veut pas dire que si les savants ne condamnent pas, qu'est-ce qui se passe, qu'ils sont satisfaits ou qu'ils acceptent, qu'est-ce qui se passe. Il dit parce que les mauvaises choses qui sont établies par celui qui a en sa main l'épée et la lance. Et le sang et les biens des serviteurs sont sous sa langue et sa plume, et leur honneur est sous sa parole et sa plume, et sous sa parole. Hein, et l'honneur des serviteurs est sous sa parole. Alors comment un individu parmi les individus aurait-il la force de repousser cela de ce qu'ils veulent, hein, de ce qu'ils veulent. Donc c'est pas possible pour eux de changer qu'est-ce qui se passe et de parler contre. Ce qui se passe, même s'ils parlent, ils ne peuvent pas rien faire, ils ne peuvent pas le changer par la force parce qu'ils n'ont pas l'autorité politique et le pouvoir. Et donc, ce n'est pas comme la situation de la da'wa du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab qui avait, en plus de faire la da'wa, il avait un support du dirigeant en sa faveur qui supportait la da'wa et qui établissait. Donc quand le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab est arrivé avec la da'wa et que le cheikh Mohammed al-Saoud Mohammed bin Saoud l'a supporté et l'a défendu, eh bien ils ont commencé à appliquer la charia et à établir le tawhid et à détruire les tombes qui étaient adorées en dehors d'Allah et à combattre les gens qui appelaient au shirk et qui défendaient le shirk et ainsi de suite. Donc ça c'est quelque chose qui est fait lorsque le dirigeant est salafi, est sur la sunna et sur le tawhid, mais si le dirigeant est sur la bid'a et sur autre que le tawhid et la sunna, eh bien bien entendu il ne va pas défendre le tawhid et la sunna. Hein? Et donc c'est pour cette raison-là que c'est très important de, d'avoir un support de la part du dirigeant et qu'on fasse la da'wa. Qu'on fasse la da'wa au dirigeant avec le ilm et avec la science. Hein, et c'est comme ça que les choses se sont faites. Et alhamdoulilah, c'est pour ça que la da'wa du tawhid en Arabie Saoudite, elle s'est établie et qu'elle est restée comme elle est maintenant jusqu'à aujourd'hui. Hein? Le cheikh il dit wa yaqul al-allama al-shawkani fi man ja'ala mawasim li ziyarati al-mazarat yastaghithuna biha wa laha yanharun fi nail al-awtar fa ya ulama ad-din wa ya muluk al-muslimin ay rizqin للإسلام أشد من الكفر وأي بلاء لهذا أضر عليه من عبادة غير الله وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك البين واجبا ويقول في الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد ضمن الرسائل السلفية وانظر إلى مسألة من مسائل مذهبهم هي مخالفة لكتاب الله أو لسنة رسول الله ثم أرشدهم إلى الرجوع عنها إلى ما قاله الله ورسوله وانظر بماذا يجيبونك فما أظنك تنجو من شرهم ولا تأمن من مضرتهم وقد يستحلون لذلك دمك ومالك وأورعهم يستحل عرضك وعقوبتك. انتهى كلامه. Donc la parole du Cheikh Al-Imam Al-Shawkani lorsqu'il a parlé au sujet des gens qui font des pèlerinages et des périodes de, pour visiter les tombes des saints qu'ils appellent au secours dans les moments de détresse en dehors d'Allah et auxquels ils font des sacrifices. Il dit le Cheikh dans Nail al-Awtar, le volume 4 à la page 131, « Ô savants de la religion, ô roi musulman, quel malheur est plus grand pour l'islam et plus dur pour l'islam que le kufr, et quel malheur est plus grand et plus nuisible pour l'islam que l'adoration d'autre que Allah, et quel malheur est plus grand, hein, et quel malheur qui a frappé les musulmans peut être équivalent à ce malheur, et quel mal qui est obligatoire de condamner, hein, peut être un mal plus grand que le mal de ce shirk qui est clair, hein. Quel mal qui est fait est plus obligatoire qu'il soit condamné que ce mal qui est le shirk clair qui est pratiqué. Et il dit également dans son livre Ad-Darr al-Nadid fi Ikhlas Kalimat al-Tawhid, un livre qu'il a écrit pour défendre le Tawhid et combattre le shirk et l'adoration des tombes, hein, parce que le Cheikh l'imam al-Shawkani faisait partie des imams et des ulama qui ont défendu le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab aussi. Donc il dit, regarde la question, parmi les questions des gens qui suivent cette voie, qui est en contradiction avec le livre d'Allah et la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Puis ensuite, indique-leur de revenir de cette position et de revenir à ce que Allah et son messager a dit. Et regarde ce qu'ils vont te répondre. Alors, que penses-tu? Donc, il dit, je ne pense pas que tu seras sauvé de leur mal. C'est-à-dire que si tu t'en vas les voir et que tu les appelles à Allah et à son messager, regarde qu'est-ce qu'ils vont te répondre. Et il dit, je ne pense pas que tu vas être épargné de ton mal, que tu vas être épargné de leur mal. C'est-à-dire qu'ils vont te faire du mal si tu les appelles à Allah et à son messager, et que tu les appelles à abandonner ce qu'ils font. Et que je ne pense pas que tu vas être épargné de leur mal, et que tu vas être en sécurité contre le mal qu'ils vont te faire. Il dit, soit qu'ils vont rendre halal ton sang et tes biens, donc ils vont te tuer, et les plus religieux parmi eux vont peut-être pas te rendre halal ton sang et tes biens, mais ils vont rendre halal ton honneur. Hein? C'est-à-dire, ils vont te frapper ou ils vont t'insulter et te faire un tort quelconque. Donc ça, c'est la fin de la parole de l'imam Ash-Shawkani. C'est pour dire que les gens qui ont le pouvoir ou qui ont la force, hein, ce sont les gens du shirk. Et ce sont les gens de la bid'ah. Hein. Et ça, c'est dans plusieurs pays. Comme il y a certains pays, par exemple, où tu vas, comme en Iran, les gens, par exemple, là-bas, ils adorent les morts et les saints. Et ça fait partie de la religion officielle de ces gens-là. Hein. Ils prennent des tombes et des mosquées. Ils ont construit des mosquées sur les tombes et ils les adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu t'en vas là-bas et que tu commences à condamner ça ouvertement, eh bien, vas-y là-bas et va voir qu'est-ce qui risque de t'arriver. Hein? Donc, c'est pour te dire que dans les pays où ces gens-là sont établis sur le shirk et la bid'ah, ils n'acceptent pas, hein, que tu appelles au tawhid et que tu appelles à la sunna. Et que si tu vas là-bas et que tu n'as pas de support et d'autorité et de force, eh bien, tu vas voir qu'est-ce qui risque d'arriver. Et c'est pour ça que les ulamas sont excusés lorsqu'ils vivaient à l'époque où ils n'avaient pas la capacité de changer ce mal avec la main. Hein? Donc ils se limitaient à ce qu'ils étaient capables de faire, c'est-à-dire de le changer par le cœur ou de le changer par la langue. Hein? Et par les livres aussi qu'ils écrivaient pour réfuter les mouchriquins et les gens de bid'ah. Ou bien dans d'autres pays, comme les pays où il y a les soufis qui sont établis, et que c'est eux qui gèrent et qui contrôlent. Tu vas là-bas et que tu t'en vas pour critiquer ouvertement et parler ouvertement contre ce qu'ils font, eh bien regarde qu'est-ce qui va se passer. Hein? Ils risquent à la limite de te tuer, ou s'ils ne vont pas te tuer, ils vont essayer de te faire du tort. Et c'est comme partout, yani, la même chose. Une fois, il y a un soufi qui m'a dit, un soufi, un Tidjani, à Montréal ici, il m'a dit ça comme ça, il m'a dit, subhanallah, il m'a dit, t'es chanceux que tu sois dans un pays des droits de l'homme. Parce qu'il m'a dit, si tu viens au Sénégal, tu vas voir qu'est-ce qu'on va te faire. Hein? Pourquoi il m'a dit ça? Moi, je lui ai répondu, je lui ai dit, est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait besoin des droits de l'homme pour appeler à l'islam? Hein? Il a appelé à la ilaha illallah, il n'avait peur de personne. Hein? Et il a appelé au tawhid. Donc c'est sûr que partout où tu vas être, il y aura toujours des oppositions à ta da'wah. Ça, c'est normal. Mais il y a des endroits où le danger, quand tu parles de la vérité, le danger sera plus grand que d'autres. Mais en tous les cas, il faut toujours être sage et être prudent. Hein? Et utiliser la sagesse. Donc, en tout cas, c'est juste pour dire que les gens de bid'ah et les gens du shirk, ils sont prêts même à tout faire pour empêcher la vérité de se propager et à empêcher les gens de connaître l'islam. Hein? Parce que celui que j'ai mentionné tantôt, le soufi dont j'ai parlé, Tijani, hein, c'est quelqu'un, son frère faisait partie des chouyours au Sénégal. Et lui, il disait de lui que, mais là il est mort maintenant, mais il disait à l'époque que son frère avait reçu le kun fayakun. Hein, que son frère a reçu le kun fayakun, ça veut dire quand il dit soit, c'est. Et on sait très bien que celui que lorsqu'il dit soit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, c'est pas un être humain. Donc de dire ça d'un homme, c'est grave. Hein, ça rentre même dans le shirk. Et c'est ça la croyance des soufis par rapport à leurs chouyours et par rapport à leurs awliya. Ils pensent qu'ils ont des attributs divins et qu'ils contrôlent le monde. Et ça, c'est un des gens qui suit, par exemple, Ibrahim Nias. Parce que c'est ça, un des chouyours Tijani là-bas qui a établi cette tariqa, c'est celui-là. Et lui, c'est un de son frère, c'était un de ses élèves. Donc ça fait partie des exemples de l'égarement de ces gens-là. Hein? Et ça, c'est pour vous dire donc que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, quand sa da'wah est sortie, lorsque les gens ont commencé à entendre le tawhid et la sunnah, eh bien ça a fait comme un genre de choc, ça a fait comme un genre d'onde, une onde de choc partout dans le monde musulman. Et les gens de Bid'a, tout de suite ont su, et ils ont compris que c'était hein, un danger pour leur Bid'a, un danger pour le shirk qu'ils faisaient. Et ils ont tout fait donc pour essayer de l'anéantir cette da'wah. Avec l'armée, avec les armes, avec la parole, avec les livres, avec tous les moyens, avec l'argent qu'ils possédaient pour essayer de stopper la da'wah du tawhid. Hein? Et même ils ont même demandé l'aide des kuffars pour les supporter et les aider contre la da'wah du tawhid. Hein? Mais alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala a donné la victoire aux mu'minin. Donc ils n'ont pas été capables de l'arrêter. Et la da'wah du tawhid et de la sunna, elle continue jusqu'à aujourd'hui. Hein? Alhamdoulilah, elle va continuer jusqu'à la fin des temps. Donc le Cheikh il dit, فكان الواجب على كل منصف أن يقول عن إمام أهل السنة في العصور المتأخرة ما قاله المنصفون المعاصرون لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل حين سكتوا فتكلم وضعفوا فأقدم إن أحمد قام مقام الأنبياء ونحن لا نستطيعه. Donc ça c'est le Cheikh qui conclut avec la parole suivante. Il dit, donc l'obligation de toute personne juste et honnête, c'était de dire à propos de l'imam de Ahl Sunnah dans les époques tardives, c'est-à-dire à notre époque, il devait dire à son sujet la même chose que ce que les gens contemporains de l'imam Ahmed, parmi les hommes justes et honnêtes, ont dit de l'imam Ahmed, l'imam de Ahl Sunnah à l'époque. Yani, lorsque les autres se sont tus, hein, c'est-à-dire les gens qui étaient à l'époque de l'imam Ahmad parmi les savants qui sont restés silencieux face à la fitna des Mu'tazila et de ceux qui prétendent que le Coran est créé et qui nie les attributs d'Allah, qui nie le Qadar. Donc les autres savants se sont tus parce que c'était une grosse fitna et ils craignaient hein, pour leur vie. Et ils ont été faibles. Donc l'imam Ahmad, lui, lorsque eux se sont tus, lui, il a parlé. Et lorsque eux ont été faibles, lui, il a pris le devant. Hein, et il a défendu la sunna. Donc, il a pris. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les savants de l'imam Ahmed? Ils ont dit de lui qu'il a pris la position des prophètes ce jour-là. Pas qu'il est devenu un prophète, mais qu'il a joué, il a pris une position qui était comparable à celle des prophètes. Et ils ont dit, et nous étions pas capables de faire comme lui. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils l'ont critiqué? Est-ce qu'ils l'ont blâmé? Non, au contraire, ils l'ont remercié pour qu'est-ce qu'il a fait pour l'islam et pour les musulmans. Eh bien, l'attitude de tout musulman à notre époque aujourd'hui, au lieu de critiquer le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et de parler contre lui, c'est plutôt, qu'est-ce qu'il devrait faire plutôt, c'est de le remercier pour qu'est-ce qu'il a fait pour la Umma et pour les musulmans. Alors qu'ils étaient dans une position et dans une situation ou une époque où ils étaient incapables de faire quoi que ce soit. Hein? Et c'était le début des colonisations des kuffars hein, contre les pays musulmans. Hein? Donc, il n'y avait plus, presque plus de pays à l'époque où la charia était appliquée. Donc c'était à cette époque que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a fait revivre l'aqida et le tawhid et a ramené la charia de l'islam également dans son application. Hein? Alhamdulillah. Donc le point numéro 2 c'est l'innocence du Cheikh ainsi que sa da'wa du takfir et du combat à la méthode des Khawarij. Le Cheikh il dit « إذا ثبت أن ما يفعله طغام الأمة من الشرك المجمع على إخراجه أهله من الملة فإن قتال من هذه حاله كما فعل أئمة الدعوة النجدية من قتال من عاند وأبى أن يترك الشرك هو من الجهاد الواجب فعله لأن الشريعة فرضت قتال من ارتد عن دين عن دينه بفعل أو قول إذا أقيمت عليه الحجة مع القدرة على ذلك بل حكي الإجماع على القتال فيما دون الكفر كمن ترك شعائر الإسلام الظاهرة من فعل المحرمات المجمع عليها فكيف بمن ترك التوحيد أص الملة فرفع القباب على القبور ووضع عليها السرج والسطور فأظهر الشرك وصار من المدافعين عنه والمحاربين عليه. Donc le cheikh il dit, si qu'est-ce qu'on a mentionné de ce que faisaient les égarés de cette umma comme shirk, hein, dont tous les savants de l'islam sont d'accord pour dire que celui qui le fait, il sort de la religion, hein, s'il fait le shirk, il l'associe avec Allah dans l'adoration. Et il dit donc, si on a si on a compris que ça c'est quelque chose qui est affirmé, qu'on a affirmé que ces gens-là faisaient ça réellement, hein, eh bien, il faut comprendre que le combat des gens qui sont dans cette situation-là, de les combattre, comme les imams de la da'wa du Najd l'ont fait, en combattant ceux qui s'opposaient et qui ont refusé d'abandonner le shirk, que ça, ça fait partie du djihad dans l'islam qui est obligatoire, hein, parce que la charia a, dans l'islam, la charia nous oblige et a rendu obligatoire de combattre celui qui a apostasié l'islam, soit par une parole ou par une action, une fois que la preuve a été établie contre lui, lorsque les musulmans ont la capacité de le faire. Et on a même mentionné l'ijma, les savants ont même mentionné le consensus au sujet de l'obligation de combattre pour des choses qui sont moindres que le kufr. Hein? Même si c'est des choses qui ne sont pas kufr, c'est même les savants de l'islam ont mentionné le consensus sur l'obligation de combattre pour ces choses-là. Comme par exemple le fait d'abandonner certains des piliers ou des applications de l'islam apparentes, ou l'application de certaines interdictions sur lesquelles il y a un consensus. Hein? Donc, si c'est le cas pour ces choses-là qu'on doit combattre, pour des choses qui sont délaissées parmi les obligations, ou des choses interdites qui sont pratiquées, on doit combattre des gens chez qui ces choses-là se manifestent, alors que dire dans ce cas-là de ceux qui abandonnent le tawhid, qui est le fondement de la religion, et de ceux qui élèvent les dômes et les bâtiments et les mausolées sur les tombeaux, hein, et qui établissent sur ces tombeaux-là des lanternes ou des lumières, et qui les couvrent de couvertures ou de rideaux, hein, comme certains le font sur la tombe de leurs saints, et qui montrent de façon apparente le shirk, et qui défendent le shirk, et qui combattent ceux qui critiquent le shirk, hein, comme c'est le cas chez ces gens-là. Donc, de les combattre, c'est encore plus obligatoire que de combattre les autres. Et le shaykh, il mentionne, il dit, et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, il mentionne dans son livre Siyasa al-Shara'iyya, le volume 2 à la page 551, il dit Donc le cheikh il dit, le cheikh l'islam Ibn Taymiyyah, il dit dans son livre Siyas al-Shar'iyya que tout groupe qui refuse d'établir tout groupe qui fait partie des musulmans mais qui refuse d'appliquer un aspect de l'islam, certains aspects apparents de l'islam qui sont reconnus à l'unanimité par les musulmans, alors il est obligatoire de les combattre selon l'unanimité des savants et selon le consensus de tous les savants, jusqu'à ce que la religion soit entièrement pour Allah, de la même manière que Abu Bakr ainsi que le reste des sahaba ont combattu ceux qui ont refusé de payer la zakat. Hein? Et ça, c'est la fin donc de la citation ici. Donc, Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, il a combattu des gens parce qu'ils refusaient de payer la zakat. Hein? Donc, toute personne qui dit que, par exemple, c'est pas permis de combattre des musulmans, la preuve est dans l'exemple d'Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a combattu des musulmans. Pourquoi? Parce qu'il refusait de payer la zakat. Donc, il ne les a pas combattus parce qu'ici, ils avaient commis un acte de kufr nécessairement, parce qu'ils n'ont pas nié nécessairement l'obligation de la zakat, mais ils refusaient de la payer seulement. Et malgré tout, Abu Bakr les a combattus. Et Omar ibn al-Khattab lui avait dit, « Mais comment peux-tu combattre des gens qui ont dit la ilaha illallah ?» Il leur a dit quoi? Il leur a dit, « Oui, mais la ilaha illallah. » Mais la zakat, ça fait partie des droits de la ilaha illallah. Et s'il refusait même de donner une corde qu'il donnait pour attacher les chameaux au prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien je les combattrais jusqu'à ce qu'il la donne. Hein? Et il leur a mentionné le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a mentionné le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, Omar a été convaincu et tous les sahaba ont suivi. Ils étaient tous d'accord sur ça. Donc ça c'est pour dire que si c'est obligatoire de combattre pour ça, eh bien c'est encore plus obligatoire de combattre ceux qui font le shirk et qui élèvent les mausolées sur les tombeaux et qui adorent les morts en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui les invoquent, hein, en dehors d'Allah et qui les appellent au secours dans les moments de détresse. Hein, lorsque on a la capacité, bien entendu, hein, comme les ulama l'ont expliqué, et avec les dirigeants, pas des petits groupes qui se décident eux-mêmes comme étant des groupes qui se forment comme les Ikhwan ou bien d'autres groupes de takfir ou des groupes de djihadi qui s'organisent entre eux, qui pensent qu'ils peuvent faire le djihad tout seul. Ça c'est pas le djihad et c'est pas de cette façon là hein? C'est avec les conditions de la sharia. Ensuite le shaykh il dit fada'watu shaykh al-islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah wa man nasarahu min a'immati ahli sa'ud qamat ala الطريقة السلفية التي قررها أهل العلم كما ذكر رحمه الله في رده على تقرير أحد خصوم الدعوة عدم جواز تكفير عباد القبور بحجة عدم جواز تكفير المسلم الذي يشهد الشهادتين حين قال ونحن ما كفرنا الطواغيت وأتباعهم إلا بالشرك وأنت رجل من أجهل الناس تظن أن من صلى وادعى أنه مسلم لا يكفر فإذا كنت تعتقد ذلك فما تقول في المنافقين الذين يصلون ويصومون ويجاهدون قال الله تعالى فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وما تقول في الخوارج الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد فأيما لقيتموهم فاقتلوهم أتظنهم ليسوا من أهل القبلة ما تقول في الذين اعتقدوا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثل اعتقاد كثير من الناس في عبد القادر وغيره فأضرم لهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه نارا فأحرقهم بها وأجمعت الصحابة على قتلهم ولكن ابن عباس أنكر تحريقهم بالنار وقال يقتلون بالسيف أتظن هؤلاء ليسوا من أهل القبلة أم أنت تفهم الشرع وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفهمونه. Donc le sheikh il répond, le sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, le sheikh il dit la da'wa du sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab de ceux qui l'ont défendu parmi les imams de Al Saoud, elle est établie sur la da'wa salafia, sur la da'wa des salaf al-salih, qui a été établie par les hommes, qui a été suivie et confirmée par les hommes de science. Comme il le mentionne lui-même dans sa réponse à un des opposants de la da'wa, qui disait qu'on n'avait pas le droit de faire le takfir des adorateurs des tombes, en utilisant comme argument le fait qu'on n'a pas le droit de déclarer un musulman qui témoigne de Ashhadu an la ilaha illallah wa Ashhadu anna Muhammad al-Rasulullah. Et ça, on retrouve cette réponse dans le livre Ad-Durar al-Saniyah, le volume 10 à la page 40. Donc, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab lui a répondu en lui disant: nous, on ne fait le takfir, on déclare kafir que les tawarites, c'est-à-dire ceux qui adorent autre que Allah, ou qui sont adorés en dehors d'Allah et qui sont satisfaits de ça, et ceux qui les suivent, et on les déclare kuffar uniquement sur le shirk qu'ils font. Et toi, tu es un homme parmi les hommes les plus ignorants, parce que tu penses que celui qui prie et qui prétend être musulman ne peut pas être déclaré mécréant. Et si tu crois cela, alors que dis-tu des hypocrites, ceux qui prient, qui jeûnent, qui font le djihad, et au sujet desquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 145 dans Surat An-Nisa que les hypocrites seront dans le plus profond du feu de l'enfer. Et que dis-tu des khawarij, ceux au sujet desquels le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: si je les aurais rencontrés, je les aurais exterminés comme le peuple de Ad. Et il a dit: peu importe où vous les rencontrez, combattez-les, qui est rapporté par Al-Bukhari dans le chapitre Istitabatul Murtaddin et dans le chapitre Qatl al-Khawarij et dans Sahih Muslim dans Kitab al-Zakat Dhikr al-Khawarij wa Sifatihim. Donc ça c'est dans les Sahihain, dans le Bukhari et Muslim. Il dit: est-ce que tu penses que ces gens-là ne font pas partie des gens de la Qibla, qui ne sont pas musulmans, les Khawarij, Il les a combattus, il nous a ordonné de les combattre, et les Sahaba les ont combattus. Il dit: qu'est-ce que tu dis de ceux qui ont eu une aqida au sujet de Ali? Ils ont cru que c'était Dieu à l'époque. Ceux qui ont suivi Abdullah ibn Saba et qui disaient que Ali radiallahu anhu c'était Dieu. Eh bien, il y a beaucoup de gens parmi les soufis, par exemple, qui ont la même croyance à propos d'Abdul Qadir al-Jilani et d'autres parmi leurs chouyours soufiyines. Ils leur donnent des attributs divins. Abdul Qadir et Ahmed Tijan et Shadili et Al-Badawi et plein d'autres parmi les Al-Rifa'i et plein d'autres parmi les chouyours des Turcs soufiyas. Ils ont la même croyance que Abdullah ibn Saba et ses fidèles à l'époque de Ali ibn Abi Talib. Qu'est-ce que Ali radiallahu anhu a fait à son époque quand il a entendu que ces gens-là avaient cette croyance-là à son sujet? Il les a fait brûler vivants. Il a fait faire un feu, il a creusé une fosse, il a mis du feu dedans, il les a jetés dedans, il les a brûlés. Tous les sahaba étaient d'accord pour cette exécution-là et pour qu'ils soient tués de cette façon-là, pour cette croyance-là. Sauf que Ibn Abbas radiallahu anhu, lui, il a condamné le fait de les brûler par le feu, mais il a dit qu'ils devraient être tués par l'épée, au lieu d'être brûlés par le feu, parce qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: ne châtiez pas par le châtiment d'Allah, c'est-à-dire par le feu. Donc le cheikh il dit: est-ce que tu penses que ceux-là ne faisaient pas partie des gens de la Qibla? Est-ce que tu penses que ceux-là ne faisaient pas partie des gens de la Qibla, c'est-à-dire ceux qui croyaient à cette idée à propos de Ali, est-ce qu'ils ne faisaient pas partie des musulmans avant d'avoir cette croyance? Ou bien est-ce que tu comprends mieux la religion et la révélation que les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam? Toi tu comprends et eux, les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam, eux ils ne comprennent pas. Et il dit: أرأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قاتلوا من منع الزكاة فلما أرادوا التوبة قال أبو بكر لا نقبل توبتكم حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. أتظن أن أبا بكر وأصحابه لا يفهمون وأنت وأبوك الذين تفهمون يا ويلك أيها الجاهل المركب إذا كنت تعتقد هذا وأن من أما القبلة لا يكفر فما معنى هذه المسائل العظيمة الكثيرة التي ذكرها العلماء في باب حكم الردة أو في باب حكم المرتد التي كثير منها في أناس أهل زهد وعبادة عظيمة ومنهم طوائف ذكر العلماء أن من شك في كفرهم فهو كافر ولو كان الأمر على زعمك بطل كلام العلماء في حكم المرتد إلا مسألة واحدة وهي الذي يصرح بتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم وينتقل يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا ونحوهم وهذا هو الكفر عندك يا ويلك. ما تصنع بقوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعبد في أو تعبد في حتى تعبد فئام من أمة الأوثان وكيف تقول هذا وأنت تقر أن من جعل الوسائط كفر وأنت تقر أن من جعل الوسائط كفر فإذا كان أهل العلم في زمانهم حكموا على كثير من أهل زمانهم بالكفر والشرك أتظن أنكم صلحتم بعدهم يا ويلك. Donc ça c'est la fin de la citation. Cheikh il dit, j'ai traduit la fin de cette citation. Est-ce que tu vois que les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam ont combattu n'as-tu pas vu que les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils ont combattu ceux qui ont refusé de payer la zakat et lorsqu'ils ont voulu lorsqu'ils ont voulu se repentir, Abu Bakr radiyallahu anhu a dit: nous n'accepterons pas votre repentance jusqu'à ce que vous ayez témoigné que ceux qui ont été tués parmi nous sont au paradis et ceux qui ont été tués parmi vous sont en enfer. Est-ce que vous pensez que Abu Bakr et ses compagnons ne comprennent pas et que toi et ton père vous comprenez? Malheur à toi, ô toi, celui qui est ignorance, doublement ignorant, qui est sur une ignorance superposée, une double ignorance. Si tu crois ça, et que tu crois que celui qui se tourne vers la Qibla, il ne devient pas kafir, alors quelle est la signification de ces grandes questions nombreuses qu'on a mentionnées? C'est des questions qui sont mentionnées par les ulama dans les chapitres des livres de fiqh qui s'intitulent les chapitres du verdict au sujet de l'apostat, celui qui quitte l'islam. Et ce sont des questions très nombreuses qui parfois sont concernées par des qui sont allati kathirun minha, donc qui ont été appliquées souvent à propos de gens qui sont des gens qui s'écartent de la dunya, qui adorent et qui font beaucoup d'adorations et ainsi de suite. Et parmi eux, il y a certains savants ont dit à leur sujet que celui qui doute de leur mécréance, il est mécréant lui-même. Comme par exemple des gens comme Ibn Arabi ou Al-Hallaj parmi les soufiyines, qui disent que par exemple Dieu est en eux, ou bien qui pensent que tout est Allah et que Allah est tout et qu'il n'y a pas de différence entre la créature et le créateur, et bien ces gens-là ont été exécutés par les savants pour apostasie, parce qu'ils ont dit des paroles de kouf et ils ont refusé de se repentir de ces paroles-là après des années qu'on leur a donné la chance de se repentir, mais ils ont persisté dans leur mécréance. Le cheikh il dit: si l'affaire était telle que tu le prétends, eh bien, la parole des savants au sujet du verdict de l'apostat aurait été nulle et vaine et inutile, excepté pour un seul cas, c'est-à-dire celui qui dit clairement traiter le messager de mensonge, ou bien qui quitte l'islam pour devenir juif ou chrétien ou majus, ou des choses de ce genre. Et ça, c'est ça le kufr pour toi? Malheur à toi, il dit. Oh, malheur à toi. Parce que ça, c'est des aspects du kufr, mais il y en a bien d'autres formes de kufr. Il n'y a pas celle-là, il n'y a pas seulement celle-là. Il dit donc, que vas-tu dire de la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit que l'heure du jugement ne sera pas établie jusqu'à ce que des groupes de ma umma adorent les idoles? Ça s'est rapporté par Abu Daoud, et par At-Tirmidhi, et par Ibn Majah, également dans الصحيحين selon Abi Huraira: لا تقوم الساعة حتى تطلب إليات نساء دوس حول ذو الخلصة. Donc c'est pour dire qu'il y a des gens qui vont à la fin des temps revenir au shirk parmi les musulmans. Donc qu'est-ce que tu dis de ça? Est-ce que tu l'acceptes? Puisque tu acceptes que celui qui met des intermédiaires entre lui et Allah, il a mécru. Alors comment tu peux dire comment tu peux douter de ces choses-là? Et il dit, si les hommes, si des hommes de science de leur époque ont jugé à propos de plusieurs d'entre les gens de leur époque, à cette époque-là et avant nous, que des gens avaient commis du kufr et du shirk, alors est-ce que tu penses que toi tu es venu après eux pour réformer et corriger leurs erreurs, hein, comme ils avaient tort de déclarer ceux qui ont fait du kufr et du shirk comme étant des kuffar et des mushrikins, et toi tu es venu corriger ce qu'ils ont fait après eux? Malheur à toi. Donc ça, c'est la fin de la citation en question. Ensuite, le cheikh, il dit: ولذا وصف هؤلاء الجهلة لدعوة الشيخ الإمام رحمه الله بأن فيها غلوا في التكفير أو أنها كانت سببا للتكفير دعوة سافلة حقيرة ولهذا فوصف هؤلاء الجهلة لدعوة الإمام رحمه الله بأن فيها غلوا في التكفير أو أنها كانت سببا للتكفير دعوة سافلة حقيرة قال الشيخ العلامة صالح الفوزان لما يقول الشيخ صالح الفوزان لما كانت حقيقة الخوارج أنهم يكفرون من المسلمين من ارتكب كبيرة دون الشرك فإنه قد وجد في هذا الزمان من يطلق هذا اللقب لقب الخوارج على من حكم بالكفر على من يستحقه من أهل الردة ونواقض الإسلام كعبادة القبور وأصحاب المبادئ الهدامة كالبعثية والعلمانية وغيرها ويقولون أنتم تكفرون المسلمين فأنتم خوارج لأن هؤلاء لا يعرفون حقيقة الإسلام ولا يعرفون نواقضه ولا يعرفون حقيقة مذهب الخوارج بأنه الحكم بالكفر على من لا يستحقه من المسلمين وأن الحكم بالكفر على من يستحقه بأن ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام هو مذهب أهل السنة والجماعة انتهى كلامه رحمه الله. Donc le cheikh il termine par une parole du Cheikh Al-Fawzan, mais avant cette parole il dit, c'est pour ça qu'on dit que ces gens ignorants qui décrivent la da'wah du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab en disant que c'est une da'wah dans laquelle il y a de l'extrémisme dans le takfir et qu'elle est la cause de ce qui est apparu à notre époque comme takfir, ça c'est une fausse prétention, une prétention qui est basse et méprisable. Et le Cheikh Al-Fawzan, il décrit et il explique la réalité de qu'est-ce qui se passe à propos de cette fausse accusation-là. Il dit, étant donné que la réalité des Khawarij, c'est qu'ils font le takfir des musulmans et de tous ceux qui font des grands péchés qui sont moindres que le shirk, ça c'est la réalité des Khawarij, parce que les Khawarij, ils font pas le takfir des musulmans par rapport au fait qu'ils ont commis un acte de shirk majeur ou de kouf majeur. Ils font le takfir des musulmans parce qu'ils ont commis un péché, hein, parmi les grands péchés. Et ça, c'est quelque chose qui est interdit. C'est quelque chose qui est bid'a. C'est quelque chose qui est égarement parce que on n'a pas le droit de déclarer un musulman kafir, excepté s'il a fait un kouf majeur ou un shirk majeur et qu'on a établi la preuve contre lui. Donc le cheikh il dit que la réalité des khawarij, c'est qu'ils déclarent les musulmans qui ont fait des grands péchés, qui sont moindres que le shirk, comme étant kuffar. Donc, il y en a à notre époque qui appliquent cette appellation, l'appellation des khawarij, ils l'appliquent à qui? Ils l'appliquent à celui qui juge, de celui qui mérite d'être déclaré kafir parmi les gens de l'apostasie, les gens qui ont fait des annulatifs de l'islam, des nawaqid de l'islam, comme par exemple d'adorer les tombes, ou des gens qui font partie de ceux qui croient en les idéologies de destruction, comme par exemple les idéologies de kufr, comme le baptisme, ou bien la croyance en la laïcité, la démocratie, la croyance en le communisme, hein, toutes ces nouvelles idéologies des kuffars qui ont été propagées à notre époque, le nationalisme et d'autres choses de ce genre. Donc ceux qui ont cru en ces idéologies-là, ou ceux qui adorent les tombes, ceux qui qui ont commis des actes d'apostasie et des choses qui annulent l'islam, il y en a qui essaient de faire croire que si on déclare ceux-là qui méritent d'être déclarés koufars, si on les déclare comme étant des koufars, ils disent vous déclarez koufars les musulmans et vous êtes des khawarij. Hein? Ils ne font pas la différence entre le fait de déclarer quelqu'un kafir par rapport au fait qu'il a fait quelque chose ou dit des choses qui viennent annuler l'islam ou viennent opposer les fondements du tawhid et de la religion, et ceux qui font le takfir des musulmans pour des péchés, hein, par exemple. Donc ils ne font pas la distinction entre les deux. Entre le takfir des khawarij, pour ceux qui font des péchés, qui ne méritent pas d'être déclarés koufars, et le takfir des musulmans de Ahl Sunnah, qui se basent sur les preuves du Coran et de la Sunnah authentique, et qui font le takfir de ceux qui méritent d'être déclarés koufars parce qu'ils ont fait un kouf majeur ou un shirk majeur. Il dit pourquoi ils appellent les musulmans qui font le takfir de ceux qui méritent d'être déclarés koufars, ils les appellent des khawarij. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ne connaissent pas la réalité de l'islam. Et ils ne savent pas non plus qu'est-ce qui vient annuler l'islam. Et ils ne connaissent pas la réalité de la voie des khawarij. C'est-à-dire que c'est de faire le takfir ou de déclarer comme étant kafir un musulman qui ne mérite pas d'être déclaré kafir. Parce que le verdict, وَأَنَّ الْحُكْمُ بِالْكُفْرِ عَلَى مَنْ يَسْتَحِقُّهُ, le fait de déclarer kafir celui qui mérite qu'on le déclare kafir, c'est uniquement dans le cas où quelqu'un a commis un acte ou une parole ou qu'il a une croyance qui vient annuler son islam parmi les annulatifs de l'islam. Et celui qui fait ça et qui se base sur ça pour déclarer quelqu'un kafir, eh bien, il fait partie des gens d'Ahl Sunnah. Et c'est ça la voie d'Ahl Sunnah. Ça, c'est pas la voie des Khawarij. Si on déclare quelqu'un kafir parce qu'il a fait quelque chose qui vient annuler l'islam, ou parce qu'il fait parmi les annulatifs, il y a le shirk, c'est le premier, hein, et il y en a beaucoup d'autres. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, justement, il a un livre qui s'appelle comme ça, Nawaqidu l'Islam, et il mentionne 10 parmi les 10 choses qui annulent l'islam de quelqu'un. Et Cheikh Al-Fawzan, dans son charh justement de ce livre-là, il dit que même certains savants ont calculé jusqu'à même 400 éléments qui sont des annulatifs de l'islam et qui peuvent faire sortir quelqu'un de la croyance de l'islam. Et que les nawaqid, les choses qui annulent l'islam de quelqu'un, peuvent faire partie par exemple des croyances, des paroles, des actions. Hein? Donc, quelqu'un peut avoir une parole qui le fait sortir de l'islam. Quelqu'un peut faire une action qui le fait sortir de l'islam. Et quelqu'un peut avoir une croyance qui le fait sortir de l'islam également. Donc, si quelqu'un parmi les musulmans fait le takfir de quelqu'un parce qu'il a opposé l'islam dans un des fondements de la religion, parmi les exemples de ce qui vient annuler son islam, et qu'il se base sur les preuves et qu'il le fait selon les principes d'Ahl Sunnah wal Jama'a, on ne peut pas dire de lui qu'il fait partie des Khawarij. Hein? Donc ceux qui qualifient la da'wah du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab comme faisant partie de la voie des Khawarij, parce que nous on déclare celui qui adore les tombes et les morts et les saints comme étant kafir, ou qu'on déclare celui qui croit en des principes destructeurs qui sont en opposition avec les fondements de l'islam, comme la laïcité ou la démocratie, ou par exemple le communisme ou le socialisme, ou d'autres idéologies des koufars qui sont propagées à notre époque dans les pays musulmans et dans les pays non musulmans comme étant quelque chose qui fait sortir de l'islam, et qu'on explique ça avec les preuves et les explications des ulamas de l'islam, parce que ces idéologies là contiennent des fondements qui sont en opposition avec le tawhid. Donc celui qui se base sur ça, on ne peut pas dire de lui qu'il est un khariji ou qu'il fait partie des khawarij. Donc on s'arrête ici à ce point-là, inshallah. On a fait donc les deux premiers points dans cette explication, dans cette quatrième élément dans l'introduction. Il reste le troisième point avant la fin de cette quatrième introduction. C'est le point qui dit que que les imams de la da'wa sont innocents des extrémistes qui essaient de se baser sur certaines de leurs paroles générales pour faire le takfir des musulmans. Et on va donc lire ça la semaine prochaine, inshallah. Ah oui, c'est vrai. Il y a un cours la semaine prochaine, j'ai été invité à Toronto pour donner une conférence. Et donc, je ne vais pas pouvoir faire le cours la semaine prochaine. À moins que on s'arrange pour faire le cours, parce que ça va être à cette heure-là. Si j'ai accès à Internet, je vais voir si je peux faire le cours. Inch'Allah, je le ferai pendant la journée. Si ce n'est pas possible, eh bien, on va se retrouver la semaine d'après. Sinon, en attendant, Inch'Allah, on se retrouve demain, bi'ibnillah, pour la suite du Sharh de Kashf al-Shubuhat de Sheikh bin Baz, Inch'Allah. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى demain إن شاء الله.